que l'on pourrait pas voir mes pères. Je n'écoute jamais ce qu'on me dit. Je ne distingue plus le rouge du vert. Ne me mens pas, ne me trompe pas, ne me cache pas ce que je devrais voir. Tu n'as pas.